Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous fais un audio un peu particulier aujourd'hui puisqu'il ne s'agit pas d'un épisode en 2030 glorieuse, mais plutôt d'une annonce. Je souhaite cette année faire en sorte que le podcast 2030 glorieuse il puisse aller dans la vraie vie. Et quand je dis aller dans la vraie vie, en fait, c'est faire des enregistrements en live dans quelques grandes villes de France pour pouvoir vous rencontrer, vous réunir et aussi faire en sorte que vous puissiez soit créer des liens entre vous, mais aussi avec les personnes inspirantes à qui j'ai déjà donné la parole et que je réinviterai dans certains épisodes exceptionnels. Alors bien sûr, il y a déjà des occasions de se retrouver en 2030 glorieuse dans la vraie vie, comme je dis. Vous avez sans doute déjà entendu parler des voyages en 2030 glorieuse qui sont des ateliers collectifs pour reprendre le pouvoir des imaginaires. Si ça vous intéresse et que vous ne connaissiez pas encore le format, à la fin de l'écoute de l'audio, vous pourrez vous rendre sur 2030glorieuse.org. Il y a tout un tas d'ateliers qui sont prévus dans les prochaines semaines. Et si ça se trouve, il y en a même un qui aura lieu juste à côté de chez vous. Mais là, il s'agit bien donc d'enregistrement en live du podcast 2030 Glorieuse. Et le premier aura lieu au Pilot Hôtel à Lyon. Ça aura lieu dans le premier arrondissement à Lyon, donc dans ce fameux Pilot Hôtel. Et la date qui a été choisie, c'est le 12 mars à 18h. On va faire un épisode vraiment exceptionnel puisque je vais réinviter des personnes qui sont déjà passées dans le podcast 2030 Glorieuse pour qu'elles nous racontent comment ont évolué leur projet, leur métier, comment elles se sont emparées des utopies pour encore être plus efficaces dans la transformation du présent. Et on vous donnera aussi la parole pour que, bien sûr, vous puissiez interagir et poser vos questions. Et dans un second temps, juste après cette interview, on fera un voyage justement en 2030 glorieuse pour continuer dans cette dynamique utopiste. Donc ça va vraiment être un moment à part. Vous pouvez vous rendre sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais surtout sur le site Internet 2030glorieuse.com. pour vous inscrire sans attendre. Ça va vraiment être un moment unique, un moment que j'espère aussi joyeux, festif, un peu à l'image du podcast 2030 Glorieuse. On a déjà prévu une prochaine date qui aura lieu à Paris le 31 mai à la Recyclerie. Ça sera à peu près dans le même format en soirée, normalement à partir de 18h. Et moi, je vais avoir besoin de votre aide. Et d'une, pour que vous me fassiez des suggestions, des invités que vous aimeriez redécouvrir d'une certaine manière pour cet épisode à venir à Paris lors de cette soirée en live exceptionnelle. Donc n'hésitez pas à me contacter soit dans les commentaires de votre application de podcast, soit directement sur les réseaux sociaux pour me dire qui vous aimeriez voir à cette soirée du 31 mai à la Recyclerie. Et puis après, j'aimerais organiser au moins deux autres dates dans une autre grande ville idéalement. Donc en fonction de vos retours, de vos appels, de vos sollicitations, de vos idées, pourquoi ne pas organiser aussi un enregistrement en live? Allez, à Nantes, à Lille, à Toulouse, à Strasbourg, je sais pas, je vous laisse me faire vos propositions pour qu'on puisse faire que ces 2030 glorieuses, elles existent, comme je le dis depuis le début de cet enregistrement, dans la vraie vie. Moi, ça me plaît là de me dire qu'on va sortir un peu de nos écouteurs et de nos micros pour se retrouver, pour se regarder, pour pourquoi pas se toucher, se sentir en chair et en os et se rendre compte qu'on est plein de rêveurs, on est plein de rêveuses et que de temps en temps, se compter, se relier, c'est aussi ça qui est important et je pense que le podcast, il peut avoir cette vertu de faire en sorte que les gens, ils se connectent et ils créent des liens encore plus puissants. Donc, n'hésitez surtout pas. On est plusieurs milliers dans la communauté 2030 glorieuse à écouter le podcast régulièrement. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux, ça me ferait plaisir d'avoir à la fois vos idées, vos suggestions, tant pour les invités que pour les lieux où se retrouver. Et puis même si c'est un appel plus général, je vais continuer de temps en temps à vous faire des petits enregistrements audio sur des annonces très précises, parce que ça va être des moyens pour moi de vous tendre des perches pour qu'on se retrouve. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours de temps en temps. Il y a des personnes qui m'envoient des mails, qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux pour me dire à quel point le podcast de Mitra Glorieuse leur fait du bien, les a mis en mouvement et plein d'autres choses. Et c'est tellement précieux pour moi. Donc si à un moment vous êtes déjà dit « Ah bah tiens, je devrais dire ça à Julien », puis finalement repris par le quotidien, repris par je sais pas quoi, ou peut-être la peur de déranger, enfin bref, n'hésitez surtout pas à me contacter. Moi, c'est quelque chose qui compte vraiment pour moi, qui me donne énormément d'énergie, énormément de sens aussi à cette activité de la création du podcast 2030 Glorieuse. Donc encore une fois, c'est vraiment plus que bienvenu tout contact, tout échange, toute question même que vous pourriez vous poser. Voilà, ça c'est dit. Donc je vous attends. Pour résumer, si jamais vous êtes à Lyon ou dans les alentours le 12 mars en soirée pour qu'on puisse faire cet enregistrement du podcast 2030 Glorieuse en live au Pilot Hotel, suivi d'un grand voyage en 2030 Glorieuse, cet atelier de libération des imaginaires. Puis ensuite, ça sera le 31 mai à Paris à la Recyclerie. Puis après, qui sait, dans une ou deux ou peut-être même trois grandes villes de France, Marseille, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Encore une fois, je vous remercie d'avoir écouté cette petite pastille audio jusqu'au bout. Je suis toujours aussi content de vous emmener toujours plus nombreuses en 2030 Glorieuse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuse avec nous jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer les utopies vivantes, je vous invite à vous rendre sur 2030glorieuse.org pour découvrir la galaxie des 2030 Glorieuses. Bien sûr, vous pouvez continuer à écouter ce podcast, mais aussi vous procurer mes livres sur le sujet et surtout vous inscrire à un prochain atelier utopiste collectif pour voyager en 2030 Glorieuse à côté de chez vous. Salut !